Vous écoutez France Culture. Bonjour, les lundis de l'histoire par Jacques Le Goff. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet d'une grande importance et dont on ne parle pas tellement, en tout cas pour la période médiévale, à la radio, la télévision. Et pourtant, on considère en général la période médiévale comme un monde de guerriers, une société militaire. Mais la littérature sur ce thème très important, n'est pas si abondante qu'on pourrait le souhaiter. Heureusement, elle vient de s'enrichir d'un ouvrage très intéressant que je voudrais vous présenter avec l'auteur, Xavier Hélary, maître de conférences à Paris-Sorbonne, Paris 4. Et j'ai invité pour en parler, je ne sais pas si à propos de l'armée on peut dire le pape, je dirais le connétable de l'histoire militaire médiévale européenne et française. C'est Philippe Contamine, professeur émérite à Paris-Sorbonne, Paris 4, et membre de l'Institut. Xavier Hélary, ce qui frappe en lisant votre livre, dès qu'on l'a dans les mains, c'est le titre « L'armée du roi de France ». Alors ce titre, ce n'est pas le mien au départ, puisque ma thèse, que j'ai soutenue à la fin de l'année 2004, s'intitulait « L'ost de France », et c'était pour donner une tonalité plus médiévale. « L'ost de France », c'est-à-dire « l'armée de France ». C'est une expression qu'on trouve dans certaines chroniques. Et pour des raisons essentiellement éditoriales, ce titre a été transformé pour être plus parlant en l'armée du roi de France. Pour autant, ce titre, je ne le renie pas, puisqu'il correspond à ce qui était mon objectif. Je m'empresse de dire à nos auditeurs qu'ils nous pardonneront si vraisemblablement au cours de cette émission, maintenant qu'ils le savent, nous parlerons souvent de l'ost de France. C'est un terme qui, chez les historiens, est devenu courant et il contribuera à l'atmosphère médiévale que nous espérons donner à cette émission. Je vais vous demander également de vous exprimer sur le sous-titre « La guerre de Saint-Louis à Philippe le Bel ». S'agissant des affaires militaires, s'agissant de l'armée, c'est une chronologie qui n'est pas tout à fait habituelle. Alors, dans le cadre de mes recherches pour ma thèse, le point d'arrivée était assez facilement trouvé, puisque c'était nécessairement 1337, le début de la guerre de Cent Ans, et le début de la grande thèse d'État de Philippe Contamine. Et donc, il fallait remonter plutôt en arrière. Et donc, le point de départ, en revanche, c'était, ça aurait pu être la première croisade de Saint-Louis, entre 1248 et 1254, mais pour ramasser un petit peu l'évolution, j'ai choisi plutôt la croisade de Tunis en 1270, qui est un dossier documentaire assez fourni, avec quelques listes, quelques documents qui nous permettent de connaître un petit peu les moyens dont a usé Saint-Louis pour recruter son armée. Le cœur, ce sont évidemment les règnes de Philippe III et de Philippe le Bel, avec l'évolution qui va faire passer l'armée du roi de France d'un ost, disons, féodal, à une armée non pas encore tout à fait nationale, mais à une armée proprement royale, au sens où, théoriquement du moins, après 1302, tous les sujets du roi de France sont susceptibles de servir les armes à la main. Puis pour sa vie. Oui, ce qui me frappe dans l'ouvrage de Xavier Larrey, c'est son caractère complet. Et ce n'était pas si facile que ça. Car il y a une partie événementielle. On suit les guerres que les rois de France, Saint-Louis, Philippe III, Philippe le Bel, éventuellement ses fils, ont menées. Il y a toute une partie qu'on peut appeler institutionnelle. Il y a toute une partie sociale. Les combattants, leur caractère, leur origine, etc. Toute une partie financière et puis toute une partie politique. Autrement dit, ce n'est pas strictement une thèse d'histoire militaire. La guerre, à l'époque qui nous intéresse, fin du XIIIe, début du XIVe siècle, c'est encore plus compliqué que cela. Il n'y a pas de récit de siège approfondi dans l'ouvrage d'Ellary. Ellary a voulu nous offrir une véritable synthèse, et avec son ouvrage, on suit les choses. Ce n'était pas commode, il y avait un problème d'organisation, parce qu'il faut éviter les regroupements, les enchevêtrements, etc. Donc c'est ce qui me frappe en premier lieu. Et puis en deuxième lieu, à l'époque qui nous intéresse, disons 1269, 1314, ou un peu plus, ou un peu moins avant, etc., il y a quand même un royaume de France. Il y a incontestablement un royaume de France et un roi de France, l'host de France, comme on dit. Et Xavier Ellary aurait pu s'interroger, mais après tout, à l'intérieur de ce royaume, assez bien délimité, les quatre fleuves, etc., dans son étendue, il y avait d'autres conflits. D'autres conflits qui avaient lieu subalternes. La guerre du roi n'a pas supprimé d'un seul coup tous les conflits. Et là, il s'est concentré, je crois que c'est presque inévitable, sur la guerre du roi, l'armée du roi de France. Après tout, on aurait pu imaginer qu'il évoque l'armée des rois d'Angleterre de Guyenne, ou encore l'armée des comtes de Flandre ou des communes de Flandre. Donc c'est centré sur la royauté, la monarchie, et c'est ce qui fait, je crois, l'intérêt et l'ossature du livre. Il y a un très rapide rappel de ce qui arrive avant cette croisade de Tunis qu'il a choisie pour point de départ. Il signale ce qui est intéressant, que dans l'historiographie, les Capétiens n'ont pas la réputation d'avoir été de grands guerriers. Celui qui, évidemment, est le premier à s'imposer dans ce domaine, c'est Philippe Auguste, essentiellement à cause de la popularité de la victoire de Bouvines en 1214. Et puis vous signalez que l'éphémère Louis VIII, qui règne de 1226 à 1228, à la fin de ce bref règne, se débrouille de conquérir et d'annexer Avignon à la France, Avignon qui aura d'ailleurs entre la papauté, qui s'y installera comme on sait au XIVe siècle, et la monarchie française, une histoire compliquée jusqu'à la Révolution, qui en fera définitivement une ville française. Vous rappelez rapidement que Saint-Louis s'est trouvé obligé de faire la guerre dans sa jeunesse, d'abord contre les seigneurs révoltés, contre lui et sa mère, la régente Blanche de Castille, on connaît l'épisode de Montlhéry, et puis contre le roi d'Angleterre, dont il est vainqueur, dans l'Ouest. Et puis c'est un homme de croisade. Et la croisade n'est pas une guerre comme les autres, vous nous le rappellerez. Par ailleurs, il devient au contraire l'apaiseur, et à l'intérieur de son royaume, et à l'extérieur de son royaume. Alors, que dire quand vous le prenez au début de la croisade de Tunis ? J'aime que vous ayez rappelé que Saint-Louis a fait construire quelque chose qui est important dans l'histoire de France, parce que c'est original. C'est la construction d'un port militaire sur la Méditerranée où le domaine royal français n'arrive que sur une très faible largeur de côte. C'est la construction d'Aigues-Mortes à partir de 1241, et on y fait allusion dans le premier texte de Prima, le moine de Saint-Denis, qui, par ailleurs, fera débuter les fameuses grandes chroniques de France. On écoute. Quand le temps fut passé, les navires du roi et des barons étaient tout prêts au port d'Aigues-Mortes, remplis de vivres et d'armures en grande abondance et de toutes ces choses qui sont nécessaires à voyager et à batailler. Accompagné de ses fils et de plusieurs barons, le roi, très pieux, alla moult dévotement à son patron, Monseigneur Saint-Denis, prendre congé selon la coutume ancienne des rois de France. Et là, il s'adressa très pieusement au Saint-Martyr par de nombreuses prières. Il entendit la messe avec tous les barons et un grand nombre de nobles. Et ensuite, il prit l'écharpe et le bâton du pèlerin. L'abbé lui donna la bannière de Saint-Denis, qu'on appelle l'Oriflamme, pour qu'il l'emporte avec lui. Et le roi recommanda le royaume de France à la garde et à la protection du martyr Saint-Denis. Et là, il y eut une grande pitié et beaucoup de larmes épandues, tant par les nobles que par les gens du peuple présent. Le roi reçut la bénédiction de l'abbé avant de sortir en une grande et noble compagnie. Et ce jour même, il commença le saint voyage de Jérusalem. Que dites-vous de ce qui se passe, comme l'a rappelé Philippe Contamine, événementiellement à partir de 1270? Alors, on peut distinguer deux grandes périodes, en fait. La première grande période, celle qui s'ouvre avec la croisade de Tunis, c'est le règne de Philippe III, puisque Saint-Louis meurt au cours de la croisade de Tunis, et c'est son fils qui lui succède, Philippe III. Alors, c'est une période, c'est un règne de 15 ans, entre 1270 et 1285, qui n'a pas une grande unité du point de vue militaire, contrairement au règne de Philippe le Bel, puisque Philippe III va essentiellement mener de petites expéditions qui nous paraissent petites, qui n'étaient pas forcément, puisqu'elles exigeaient quand même du ravitaillement, de beaucoup de préparatifs. C'est l'Ost de Foix en 1272, donc une expédition contre le comte de Foix, l'expédition de Navarre en 1276, et puis quelques autres expéditions mineures, et puis la dernière grande expédition du règne, qui est de nouveau une croisade, mais une croisade un peu particulière, puisqu'elle n'est pas dirigée contre des musulmans, contre des ennemis de Dieu, comme on dit à l'époque, mais contre le roi d'Aragon qui a soutenu la révolte qu'on dit des Vêpres siciliennes en 1282 contre l'oncle de Philippe III, Charles d'Anjou, roi de Sicile. Et pour venir en aide à son oncle Charles d'Anjou, Philippe III va mener cette grande expédition, la croisade d'Aragon, essentiellement une invasion de la Catalogne, qui va se terminer par une retraite assez piteuse et la mort de maladie du roi à Perpignan. Ça, c'est la première grande période. Et puis, avec Philippe le Bel, de 1285 à 1314, là, on va changer d'échelle. On va changer vraiment, non seulement de règne, mais vraiment de conception de la guerre, puisque Philippe le Bel va vraiment, lui, vouloir faire la guerre dans un objectif bien particulier, qu'on peut résumer simplement dans l'idée qu'il faut imposer l'autorité du roi dans tout le royaume, y compris dans les grands fiefs. Ça va d'abord être la guerre contre le duc d'Aquitaine, qui est le roi d'Angleterre, à partir de 1294 jusqu'en 1303, mais l'essentiel des opérations militaires s'arrête en 1297. Et puis, l'autre grande affaire, c'est la guerre de Flandre, la guerre contre le comte de Flandre d'abord, puis contre les villes de Flandre, à partir de 1297. Et on voit bien que dans la décennie 1290, Philippe le Bel est largement vainqueur, pas tellement de grandes batailles, mais il est en position de force. Et la grande rupture militaire du règne, de tous les points de vue, la rupture, c'est le désastre de Courtrai en 1302. Et ce désastre de Courtrai nous a valu de vous avoir pour une première fois à cette antenne, puisque vous lui avez consacré un livre extrêmement intéressant, en insistant évidemment sur l'aspect social, sur l'aspect politique, affectif, puisque Courtrai a été la grande défaite des chevaliers devant les fantassins des villes flamandes. Et ça a été cette fameuse bataille où les chevaliers français ont perdu leurs éperons d'or, signe de leur prestige, c'est la bataille des éperons d'or. Mais maintenant, nous en sommes, comme vous venez de commencer dessiner, dans une vue beaucoup plus profonde. Ce résumé vous convient, Philippe? Tout à fait. Ce qui me frappe également dans ce livre, c'est le fait qu'il y a continuité entre la croisade, les croisades, et puis l'histoire, pour ainsi dire, endogène des guerres du roi de France. Il y a, disons, ce qu'on peut appeler une politique, une grande politique méditerranéenne de Louis IX, de Philippe III, qui ensuite a été interrompue à la suite des guerres des vêpres siciliennes en particulier. Mais là, c'est quelque chose qui m'a énormément séduit, je dois le dire, parce qu'on n'y pense pas toujours. Et je dirais que, pour en revenir à ce problème des croisades, finalement, ces croisades extérieurement, une sorte de calamité. Une calamité, une série d'échecs. Mais en même temps, un capital spirituel extraordinaire. Parce que les rois de France, plus que jamais, c'était déjà un petit peu le cas à l'époque de Louis VII ou à l'époque de Philippe Auguste, mais plus que jamais, les rois de France ont été des hommes de la croisade, des hommes de la guerre pour Dieu, et du même coup, les hommes de la guerre pour l'Église. Alors, on pense toujours, évidemment, au différent entre Philippe le Bel et Boniface VIII, mais c'est un différent un petit peu secondaire. En réalité, le capital spirituel, le patrimoine spirituel des rois de France, et cela à travers toute la fin du Moyen-Âge, c'est dû en partie au fait que les rois de France sont les défenseurs des papes et en même temps ceux auxquels on songe si l'on veut relancer la croisade. Xavier Larry, si je ne m'abuse, écrit quelque part le prix du désastre. Voilà, tout à fait. Alors, venons-en peut-être maintenant à ce qui est le plus neuf, le plus solide, en tout cas pour la période, surtout, les combattants. Alors, ce qu'on aperçoit dans les armées du roi de France, dans l'armée du roi de France, ce sont d'abord les chevaliers. Ce sont ceux qu'on voit apparaître dans les sources, dans les documents, dans les chroniques, et par exemple chez Joinville. Joinville ne citera jamais quelqu'un d'autre qu'un chevalier, il ne citera jamais un écuyer ou un homme du peuple, il citera toujours des chevaliers. Et c'est vrai aussi de l'administration royale qui se focalise, qui se concentre de façon quasiment exclusive sur les chevaliers. Et donc l'ossature de l'armée du roi de France, ce sont les chevaliers, quelques centaines, quelques milliers au plus pour les grandes expéditions que sont les croisades de Tunis et d'Aragon. Ces combattants, ces chevaliers sont des combattants professionnels qui appartiennent à la noblesse et qui sont donc les combattants par excellence de l'armée royale. En dessous d'eux viennent ceux qu'on commence à appeler dans la deuxième moitié du XIIIe siècle les écuyers, qu'on appelait sous Philippe Auguste les sergents à cheval. Et ce sont donc des jeunes gens nobles, parfois plus si jeunes que ça, mais qui, pour des raisons un peu mal déterminées, qu'on dit financières, mais il y a peut-être d'autres choses derrière ça, n'ont pas reçu l'adoubement et restent donc dans une position un petit peu subalterne avec ce titre d'écuyer qui signale quand même leur appartenance à la noblesse. À côté de ces écuyers, payés au même tarif qu'eux, et donc rendant au moins théoriquement le même service qu'eux, viennent ces hommes d'armes à cheval, qu'on identifie cette fois assez mal, on ne sait pas exactement de qui il peut bien s'agir socialement, d'où viennent-ils, mais qui sont des hommes d'armes à cheval, donc combattants comme des écuyers. Et puis, à côté de ces chevaliers, de ces écuyers et de ces hommes d'armes qui forment une forme de cavalerie lourde, il y a l'infanterie. L'infanterie qui est à la fois composée de levées faites dans les villes, et la contribution des villes est assez importante. Hein. Elle est magnifiée au moment de la bataille de Bouvines, elle le sera surtout par l'historiographie, mais elle est importante objectivement. Et on a l'exemple de Guillaume Guillard, ce bourgeois d'Orléans, qui a laissé ce long récit de des guerres de Flandre hein, à partir de 1302. Et Guillaume Guillard est parti servir avec le contingent d'Orléans, le contingent de bourgeois dû par la ville d'Orléans, à l'armée du roi de France. Et puis, à côté encore de ces bourgeois qui combattent à pied, il y a beaucoup d'autres combattants à pied, d'autres piétons, d'autres gens de pied, d'autres fantassins, souvent moins bien équipés, mais sur lesquels les sources et les documents sont à peu près muets. Au fond, une armée comme celle-là, elle repose, je dirais presque essentiellement, sur un animal, sur le cheval. D'où ils viennent ces chevaux ? Alors ces chevaux, on ne sait pas toujours pour l'époque d'où ils viennent, mais on sait que Philippe III, par exemple, prend une ordonnance qui impose à tous les nobles et à tous les bourgeois d'élever un certain nombre de chevaux. Et donc il y a vraiment, comme vous le soulignez, il y a cette prise de conscience finalement de l'importance de ces chevaux. Philippe III prend également d'autres mesures, par exemple l'interdiction d'exporter les chevaux de guerre. Il y avait tout un commerce des chevaux de guerre et Philippe III, au moment de la préparation de la croisade d'Aragon, donc avant 1285, interdit d'exporter les chevaux de guerre. Donc, multiplication de haras. À ce sujet, oui, je crois, parce que je me suis un petit peu intéressé à la question du cheval, spécialement du cheval de guerre. Donc, il y a sûrement un élevage intérieur, mais également un élevage qui vient de l'extérieur. Et donc, on voit très bien un apport de chevaux de prix, de chevaux de luxe, plus résistants et peut-être plus rapides que les autres, à partir de l'Espagne et à partir de l'Italie. Et particulier, on voit apparaître à un certain moment au fort de Champagne, aux alentours de 1300, la mention des grands chevaux. Les grands chevaux, c'est une expression technique, pour ainsi dire, les grands chevaux. Donc c'est peut-être une race particulière que les nobles de cette époque-là voulaient évidemment se procurer pour être plus habiles, plus actifs à la guerre. Ainsi, dans votre livre, on ne fait que renforcer ce qui était bien connu, en particulier d'après les travaux de Philippe Contamine, l'importance, je dirais, d'un type d'homme et d'un type d'animal. Le type d'homme, c'est le chevalier, et le type d'animal, c'est le cheval. Je vais maintenant vous demander de préciser pour nos auditeurs un mot que vous avez prononcé en faisant cette liste de combattants, adoubement. De quoi s'agit-il ? Alors l'adoubement, c'est la cérémonie qui signe le passage de l'état d'écuyer à l'état de chevalier. Alors on connaît l'adoubement, c'est même sans doute un héritage d'une longue tradition, peut-être d'origine germanique, de la cérémonie de remise des armes. On connaît l'adoubement au XIIe siècle. Ce qui se passe, c'est qu'au XIIe siècle, jeune homme appartenant à la noblesse reçoit vers l'âge de 18 ou de 20 ans l'adoubement. Et donc, il est considéré comme chevalier. Et puis, au XIIIe siècle, dans le courant du XIIIe siècle, vient ce resserrement des conditions d'entrée dans la chevalerie qui fait que se multiplient ces écuyers qui sont des nobles, qui finissent parfois par recevoir l'adoubement, mais beaucoup plus tard, à 40 ou 50 ans, et de plus en plus de nobles ne reçoivent plus l'adoubement et restent dans cette position d'écuyer. On peut penser donc que, alors qu'au XIIe siècle, encore au début du XIIIe siècle, l'adoubement est une cérémonie finalement assez banale, assez répandue, au XIIIe siècle, l'adoubement est peut-être chargé d'une symbolique plus importante. Il y a des traités, un traité de Raymond Lulle hein, sur la chevalerie qui parle beaucoup de l'adoubement. Et on a l'impression, malgré tout, qu'il faut, pour être adoubé, que ça soit dans des conditions particulières. Hein. Et on a le cas notamment d'un Perrault de Vailly que le comte d'Artois s'engage à faire adouber avant la bataille. D'accord. Tout à fait. Oui. C'est un phénomène à la fois, je dirais, un phénomène à la fois social, hein, avec un contrôle probablement des autorités. Nul ne pouvait être se proposer de soi-même pour être chevalier. Donc il y avait quelque chose qui se passait. Alors comme vous l'avez dit, un peu un problème de coût, parce que le chevalier, eh bien, il doit être mieux équipé, et avoir davantage de chevaux, davantage de serviteurs de guerre, etc. Et puis, il est probablement qu'il y avait un problème également de correspondance entre les revenus d'un chevalier et puis d'un futur chevalier et puis sa vocation à être adoubé. Je crois qu'un écuyer pauvre voulant être adoubé, cela faisait un peu désordre. Vous montrez bien, Xavier et Larry, ce qui est une des caractéristiques, me semble-t-il, du Moyen-Âge. C'est que dès qu'il y a prestige, il y a musique au Moyen-Âge. Et vous avez une très jolie expression pour parler des musiciens des armées du roi de France, le paysage sonore de la guerre. Je crois que c'est une chose aussi qu'il ne faut pas oublier. Et bien maintenant, il faut voir ce qu'il y avait à la tête, les commandants. Alors, les commandants, il y a finalement deux hiérarchies parallèles. Et ces deux hiérarchies parallèles aboutissent à un seul homme, c'est le roi. Et le roi est naturellement le chef de la guerre, le chef de l'armée. C'est le cas de Saint-Louis en Égypte et à Tunis, hein, chef suprême des armées, de l'armée croisée. C'est le cas de Philippe III également. C'est le cas aussi de Philippe le Bel, qui doit prendre part en 1304, à la bataille de Mont-Saint-Pevel. Cette tradition s'est conservée. Le président de la République est chef des armées. C'est vrai, vous avez raison. Et donc, une nouvelle preuve de cette caractéristique de la Ve République d'être une sorte de monarchie républicaine. Alors, pour en revenir à la fin du XIIIe siècle, si je dis que Philippe le Bel doit prendre la tête de l'armée à Mont-Saint-Pevel, c'est que son prestige a été sérieusement amoindri deux ans auparavant à la bataille de Courtrai, à laquelle il n'a pas assisté, mais qui a été un désastre et qui a sérieusement entamé son prestige. Donc le roi est, par principe, le chef de l'armée. Quand il est présent, il est le chef de l'armée. Et puis, donc, ces deux hiérarchies parallèles. Première hiérarchie, celle à laquelle on pense le plus spontanément, c'est celle du connétable, chef des armées, qu'on considère comme le chef des armées, assisté par les deux maréchaux de France. Mais en réalité, le connétable de France et les deux maréchaux forment plutôt une sorte d'état-major, c'est-à-dire d'encadrement de l'armée. L'armée, en effet, n'est pas permanente et elle est constituée pour une occasion particulière, pour une campagne particulière. Donc il n'y a pas d'armée permanente. Elle ne viendra qu'à la fin du XVe siècle avec les réformes de Charles VII. Mais disons que le connétable et les deux maréchaux forment, quand l'armée a été mise sur pied, forment une sorte d'état-major. Et puis, parallèlement à cette hiérarchie du connétable et des maréchaux et du maître des arbalétriers, vient la hiérarchie nobiliaire, aristocratique, avec ses chefs d'armée que sont potentiellement les parents du roi, c'est-à-dire son frère, par exemple Charles de Valois, ou son cousin, le comte d'Artois, Robert II, qui est le principal chef de guerre de la famille capétienne dans le dernier tiers du XIIIe siècle, jusqu'à sa mort à la bataille de Courtrai. Je voudrais peut-être souligner un type de guerrier qui apparaît dans l'armée du roi de France, et vous l'avez très bien signalé, 13e siècle, ce sont les arbalétriers. Oui, ce sont les arbalétriers, qui sont d'abord les arbalétriers de l'hôtel, c'est-à-dire une sorte de garde rapprochée du roi de France, donc dirigée par le maître des arbalétriers. Et rapidement, le maître des arbalétriers va devenir considéré, c'est un chevalier, il combat à cheval, mais il est considéré comme le chef de l'infanterie royale, qui ne comprend pas que des arbalétriers, mais à l'évidence, les arbalétriers sont les troupes d'élite au sein de l'infanterie. Dites-moi, et à côté de ces troupes de terre, ce qui est normal. Est-ce qu'il y a une armée ou des armées de mer? Est-ce qu'il y a des commandants maritimes? Alors, militaire. Il y a nécessairement, quand Saint-Louis part en croisade outre-mer, justement, il faut traverser la mer. Alors, il ne semble pas qu'il y ait de flotte propre pour Saint-Louis ni pour Philippe III, hein, qui loue les services des Génois, tant en 1270 qu'en 1285, on fait appel à la République de Gênes, qui loue ses navires. Mais on voit apparaître, malgré tout, le titre d'amiral de France. Hein. Donc, titre d'amiral de France, ce n'est pas exactement ce qu'il recouvre, probablement parce que nous entendrions par amiral de France, mais disons que ce titre apparaît. Et sous Philippe le Bel, notamment dans la guerre avec l'Angleterre, il y a la volonté de constituer une véritable armée basée dans ce qu'on appelle le Clos des Galets, donc près d'Harfleur. Et dans ce Clos des Galets, on construit des bateaux, surtout grâce à des Italiens. Ce sont les Italiens qui instruisent les Français dans le fait de la guerre maritime. La flotte militaire est, est en retard, sans doute. Voilà, absolument. C'est ce que soulignait notre regretté collègue Michel Mollat. Oui. Donc la vocation maritime de la France a toujours fait problème et c'est encore visible à l'époque de Philippe le Bel. Pour en venir sur cette hiérarchie des officiers, des grands officiers, comme on dit, etc., connétables de France, maréchaux de France, maîtres des armes à l'étrier de France, le terme France apparaît à chaque instant, amiral de France ou amiral de la mer, là, ça est un petit peu moins net. Mais il y a aussi un autre personnage que vous mentionnez, c'est le garde de l'Oriflamme de France. Et donc le garde de l'Oriflamme de France, du reste Prima en parle, c'est, pour ainsi dire, le drapeau sacré qui vient de Saint-Denis et qui sert à rapprocher toute l'armée royale autour de cette glorieuse enseigne. Depuis le XIIe siècle, toute expédition de l'ost royal part de la prise de l'Oriflamme, de la levée de l'Oriflamme par le roi à Saint-Denis. Je vous propose, Xavier Larry, que nous écoutions peut-être deux des textes que vous avez choisis et qui justement parle des combattants que nous venons d'évoquer. Le premier texte est de 1269, et c'est précisément l'adoubement d'un chevalier pour la croisade. Quant au second texte, c'est la reconnaissance de l'obligation du service militaire pour l'ost de 1276, qui est l'ost de Navarre. N'oublions pas que nous voyons justement aussi, pendant cette période, et en particulier dans le cadre militaire, mais aussi politique, apparaître cette région, la Navarre. Le premier texte, qu'est-ce que c'est? Donc c'est l'engagement que prend le comte d'Artois de retenir à ses frais un écuyer qui s'appelle Perrault de Vailly. Donc il lui donne une certaine somme d'argent assez importante et en échange, cet écuyer, Perrault de Vailly, s'engage à suivre le comte d'Artois à la croisade. Et on voit donc les conditions matérielles. Évidemment, tout cet aspect matériel est important pour la traversée de la Méditerranée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas embarquer infiniment de combattants. Et donc cet écuyer a le droit, par exemple, simplement à 2 valets et à 3 chevaux, donc une certaine limitation. Et puis, ce qui est intéressant dans le texte, c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ce Perrault de Vailly sera adoubé, et le comte d'Artois en prend l'engagement, avant une bataille, un affrontement contre les ennemis de Dieu. Et donc, il y a vraiment une ritualisation plus importante, peut-être, le poids plus important des circonstances dans l'adoubement. On ne peut pas être adoubé n'importe quand, il faut être adoubé dans une circonstance spéciale et de la main d'un adoubeur, donc ici le comte d'Artois, qui est le cousin du roi de France, d'un adoubeur prestigieux. C'est un texte des archives départementales du Pas-de-Calais, donc le trésor des chartes des comtes d'Artois. Nous, Robert, comte d'Artois, faisons savoir à tous ceux qui verront et entendront ces présentes lettres que nous prenons et retenons Perrault de Vailly, écuyer en notre compagnie, pour faire le voyage de Dieu. Nous promettons de lui donner 80 livres de parisis pour qu'il prépare son équipement, ainsi qu'une bête de somme et un cheval, bon et suffisant, de telle sorte qu'il en soit content. Nous devons lui faire passer la mer dans notre navire, lui, son cheval et tous ses bagages. Et nous devons couvrir tous ses frais en deçà et au-delà de la mer, pour lui, 2 valets et 3 chevaux. Et s'il advenait que nous ayons affaire aux ennemis de Dieu, nous devons le faire chevalier, ou avant, s'il arrivait malheur à un de nos chevaliers. Et s'il nous arrivait malheur à nous, comte d'Artois, nous voulons qu'on lui donne 200 livres de parisis pour faire le voyage de Dieu à notre place. En témoignage de toutes ces choses, nous lui avons donné ces présentes lettres, scellées de notre sceau. Ce fut fait l'an de l'incarnation de notre Seigneur, 1269, au mois de décembre. On termine, le roi de France n'a pas été le seul roi à se croiser et à s'engager dans les croisades. Est-ce que le prestige qu'il en a retiré se retrouve chez d'autres souverains médiévaux À un moindre degré, à beaucoup moindre degré. Les rois d'Angleterre, finalement, oui, n'étaient pas tellement partants, traditionnellement, et donc il y avait bien l'expérience de l'empereur, de l'empereur Frédéric II, mais c'est une expérience qui est brouillée, parce que finalement, après avoir été croisé, après avoir permis aux croisés, aux pèlerins, d'accéder à Jérusalem, il a été désavoué, et même excommunication. Mauvais souvenir. Frédéric Barbaros se noie en Turquie avant d'arriver en Palestine, et Frédéric II se fait excommunier. On peut dire qu'on est au cœur de l'histoire politique et spirituelle de la royauté française, et cela va durer au moins jusqu'à Jean le Bon. Ouais. Hein, Jean le Bon, en 1363, il se rend encore, il vient juste d'être libéré par les Anglais après avoir payé une partie de sa rançon, et bien il vient encore à Avignon et il s'engage, il fait vœu de croisade. Alors, voyez-vous, c'est de la longue durée. Et là, nous sommes peut-être entre Saint-Louis et Philippe le Bel au cœur de ce processus. Le second texte de 1276, c'est quoi ? Alors, ce second texte, c'est l'engagement que prend Ardoin seigneur de Maillé, d'une vieille famille chevaleresque. C'est la reconnaissance qu'il fait de l'obligation qu'il a de servir son seigneur, donc Pierre de la Brosse, chambellan du roi de France, seigneur de Langeais, de le servir à l'ost. De quoi s'agit-il au fond ? C'est de faire reconnaître par les vassaux l'obligation qu'ils ont de servir, de suivre leur seigneur à l'armée. Et finalement, le principe vaut plus que la réalisation concrète, que le service effectivement rendu. Et donc, il est important de faire reconnaître par les vassaux qu'ils sont obligés, qu'ils sont contraints de servir, en théorie au moins, leur seigneur. Ardoin, seigneur de Maillé, chevalier, faisons savoir à tous ceux qui verront et entendront ces présentes lettres que nous sommes venus à Tours, au commandement et à la semonce de notre cher et aimé Seigneur Pierre de la Brosse, Seigneur de Langeais, prêt à partir avec lui en l'ost, comme nous y sommes tenus. Et notre dit Seigneur, par sa grâce, nous a dispensé du service pour cette fois. Pour autant, nous ne voulons pas que nous soit acquis de ce fait le droit dans l'avenir de ne plus servir en l'ost et en la chevauchée. Au contraire, nous reconnaissons que nous et nos chevaliers nous sommes tenus de servir le dit seigneur et ses successeurs, seigneur de l'Angers. En témoignage de quoi, nous avons donné à notre dit seigneur ses présentes lettres, scellées de notre sceau, lesquelles lettres furent faites à Tours en l'an de notre Seigneur 1276, le jeudi, après l'exaltation de la Sainte Croix. Pouvez-vous dire à nos auditeurs l'essentiel de votre étude suivante qui est consacrée aux armées de Philippe le Bel? Donc en 1285, Philippe le Bel donc devient roi à la fin de la croisade d'Aragon, quand son père meurt. Donc une partie de l'évolution a déjà été accomplie, puisque sous Philippe III s'est imposée l'idée que tous les nobles, pratiquement, devaient le service militaire. Et donc c'est sous Philippe III que cette obligation du service militaire étendue à tous les nobles va définitivement triompher. Elle va triompher à l'occasion de la guerre d'Aquitaine, à partir de 1294 et essentiellement jusqu'en 1297. Cette guerre, c'est Philippe le Bel qui l'a voulu, et il va néanmoins se présenter comme, non pas l'agresseur, ce qu'il est en réalité, mais comme l'agressé. Et il va mettre en place une vaste entreprise de propagande fondée sur le martèlement d'un slogan qui est la défense du royaume. Et pour la défense du royaume, tous les nobles doivent servir les armes à la main. Or, il faut bien se souvenir que, encore 15 ans auparavant, encore sous le règne de Philippe III, le fondement de l'obligation, ce n'était pas la qualité de noble, c'était la qualité de vassal direct du roi. Et c'est-à-dire que le roi ne pouvait exiger le service militaire que de ses vassaux présents dans le domaine royal, en Île-de-France, en Normandie, en Touraine, là où exerçaient directement les officiers du roi, baillis et sénéchaux. Et sous Philippe le Bel, ce ne sont plus simplement les vassaux qui vont être concernés, mais vraiment l'ensemble des nobles. Et c'est ce que Philippe Contamine a montré pour le début de la guerre de Cent Ans. C'est encore une des modalités auxquelles recourt le roi de France au début de la guerre de Cent Ans, c'est la semonce des nobles, hein, la semonce des nobles, soit dans une circonscription, soit à l'échelle du royaume. Ça, c'est la première évolution, donc triomphe du service dû par les nobles en général. Et puis la deuxième évolution intervient après la bataille de Courtrai en 1302, et c'est de nouveau une invention due à la propagande, et Philippe le Bel va développer l'idée, va faire développer l'idée par des textes envoyés à ses baillis, à ses sénéchaux et dans l'ensemble du royaume. Il va développer l'idée que, en cas de péril grave du royaume, ce ne sont plus simplement les vassaux, ce ne sont plus simplement les nobles, ce ne sont plus simplement les dépendants du roi de quelque nature que ce soit, mais c'est l'ensemble des sujets qui doivent le service militaire pour la défense du royaume en cas de péril grave. C'est ce qu'on appelle le ban et l'arrière-ban. Et voilà encore l'apparition d'une formule nouvelle et qui va avoir une très grande importance. Elle date du 30 août 1302, elle a été faite dans une déclaration à Arras, mais elle va faire partie du vocabulaire militaire à haut degré. Cette période a vu, et David Hélary, me semble-t-il, l'a très bien montré, des traditions de vocabulaire, comme par exemple la défense du royaume, la majesté du roi. Et on va retrouver ça dans quelques instants, quand nous terminerons, je pense, sur l'importance de ce développement de l'armée dans la construction de l'État français. Pour l'instant, est-ce que vous avez des remarques à faire? Je pense qu'effectivement, le terme de banc et arrière-banc, qui a une préhistoire malgré tout, mais qui prend un sens nouveau au tout début du XIVe siècle, est un très sonore, un peu étrange du reste, peu étrange, mais c'est très bien trouvé. Ça a été véritablement un très grand moment. Comment est-ce que Philippe le Bel a réussi à l'imposer? Il fallait quand même un répondant. Il y avait une propagande, c'est vrai, il y avait le prestige du roi, mais il fallait quand même que les sujets répondent. Et répondent non seulement en servant éventuellement militairement, mais par le jeu des substitutions, en payant. c'est quand même, l'arrière-ban, c'est quand même une forme de fiscalité, et une fiscalité tout à fait généralisée. Je vais vous raconter une petite anecdote lors de ma soutenance de thèse, dans les très très longtemps, l'un des membres du jeu m'avait dit, l'arrière-ban, c'est le grand personnage de votre thèse, peut-être le seul grand personnage de votre thèse. Voilà. Bon, eh bien, j'ai pris plaisir à voir que dans le livre de Xavier Hellary, l'arrière-ban est également en première ligne. Oui, moi, ça m'a frappé aussi. Il me semble que c'est véritablement une nouveauté, une invention qui a de la force. Une invention linguistique, une trouvaille linguistique. Oui, c'est parfait de l'histoire, hein, tout ça. Bon, nous passerons, si vous voulez bien, sur ce qui est important, mais quand même secondaire, qui sont les garnisons, les occupations. Je voudrais qu'on en vienne à ce qui apparaît sous Philippe le Bel et qui va changer beaucoup de choses dans la levée, dans le maniement, dans le rôle de l'armée de la France, le coup de la guerre. La royauté capétienne est relativement riche et elle peut se permettre ces expéditions très coûteuses que sont la croisade d'Égypte entre 1248 et 1254, dont montant est très élevé, de même la croisade de Tunis en 1270 ou la croisade d'Aragon en 1285. Donc ça, finalement, ces grandes expéditions très coûteuses, très dispendieuses, finalement la royauté capétienne avec le domaine, avec les ressources traditionnelles, tout ça, la royauté capétienne peut finalement se le permettre, en quelque sorte. Ce qui va changer, c'est avec Philippe le Bel, le fait qu'il va falloir non seulement faire campagne, donc pendant quelques mois, entretenir une armée sur les pieds de guerre, mais il va falloir également occuper militairement d'abord le duché d'Aquitaine, en une très large mesure, entre 1294 et 1303, puis le comté de Flandre à partir de 1297 et jusqu'en 1302. Et finalement, c'est là que va se faire la bascule, en quelque sorte, et c'est à partir de ce moment-là que la guerre va devenir non seulement coûteuse, elle l'était déjà, mais même qu'elle va dépasser les moyens auxquels pouvait recourir la royauté capétienne. Et ça, il semble que, finalement, avec les connaissances assez limitées nécessairement de l'époque, Philippe le Bel et ses conseillers n'aient pas toujours su comment faire. Et donc, ils ont multiplié les expédients, des taxes sur les marchandises, ça passait pas très bien. Il a fallu ensuite spolier certaines catégories de la population. Plus tard, à la fin du règne, ce seront les Juifs et les Lombards. Et puis, il faut également recourir et développer les ressources auxquelles pouvait recourir traditionnellement la monarchie capétienne, c'est-à-dire la décime, c'est-à-dire le fait de faire payer les gens d'église pour les... Donc théoriquement pour la croisade, mais Philippe le Bel va réussir à mettre la main, profitant de la vacance de la papauté, sur le produit la décime. Et puis ensuite, ça va être, comme l'expliquait Philippe Contamine tout à l'heure, ça va être avec l'arrière-ban. L'arrière-ban, évidemment, on ne va pas faire servir tous les paysans, tous les artisans dans l'armée. Et donc, au contraire, ils vont être autorisés, en quelque sorte, à payer pour être dispensés du service militaire. Et ça va être le début des maniements de la monnaie. Et en plus, c'est le début des Ce maniements. Ce sont les premières dévaluations, comme nous les appelons. Ou bien l'impôt, ou bien les deux, ou bien l'impôt, ou bien la dévaluation. Ou l'impôt, ou et la donc dévaluation. Philippe le Bel a joué un peu sur les deux tableaux, hein, impôt, dévaluation. Un petit peu notre problème, c'est le problème de l'euro. Hein. Bon, je ne veux pas me lancer dans un domaine que je ne connais pas, mais je pense qu'il y a ces deux aspects. Et donc ce sera aussi la limite finalement du règne de Philippe le Bel qui se termine en détresse financière. Hein. Les 10 dernières années sont vraiment très difficiles du point de vue financier. Mais la limite du règne de Philippe le Bel du point de vue fiscal, ça va être que l'impôt va toujours être lié à la guerre. Et qu'en dehors de la guerre, en dehors des campagnes militaires, on ne peut pas lever l'impôt. Et la royauté capétienne doit, comme le dit un adage du temps, vivre du sien, c'est-à-dire vivre des ressources du domaine. Votre dernier chapitre montre bien l'importance qu'a eu cette évolution de l'armée cette fois-ci pour la constitution de la monarchie française, du point de vue des archives, du point de vue de la fiscalité, du point de vue du prestige royal, du point de vue de la défense du pays. Nous en sommes venus à un rapide bilan du beau livre que nous avons essayé de présenter à nos auditeurs. Et je voudrais que Philippe Contamine nous fasse le bilan tel qu'il le voit. Bien tel que je le vois, effectivement, c'est un moment très très important. Lorsque j'ai commencé mes propres recherches, il y a très longtemps, j'ai commencé en 1337, pourquoi cela? Eh bien parce que, d'une part, il y avait des très belles chroniques, hein, Froissart, etc. Puis, en deuxième lieu, il y avait des ordonnances militaires qui manquent chez vous un petit peu. En troisième lieu, il y avait également des trésoriers des guerres, qui n'existait pas tout à fait à votre époque. Il y a des gens qui s'occupent des finances de guerre, mais pas des trésoriers des guerres. Ça apparaît, je crois, sous le règne de Philippe VI, de Philippe le Long, quelque chose comme ça. Et puis, il y a les montres, les revues, qui font un petit peu défaut pour l'époque précédente. Et donc, j'avais commencé par là. Et je me demandais toujours ce qui se passerait avant. Et c'est ce que vous avez fait de façon tout à fait remarquable, avec les moyens du bord, ce n'était pas si commode que cela. Je dirais que l'histoire de la France militaire, l'histoire des armées des rois de France, avant Philippe Auguste, on ne sait vraiment pas grand-chose. Louis VII, Henri Ier, pas grand-chose. Il y a une seule armée dont on suit bien l'existence à partir du XIe siècle, c'est l'armée des rois d'Angleterre, beaucoup plus. Bon. Alors, ensuite, il y a l'époque de Philippe Auguste, disons, pour simplifier, Bouvines et Château-Gaillard, et puis il y a également l'époque un peu négligée de Saint-Louis avant la croisade, hein, le pont de Taillebourg, la reconquête, la conquête du Poitou, qui n'est pas du tout insignifiant, c'est un très très grand morceau, mais très mal documenté. Donc à partir, disons, des années 1370, la documentation devient un peu meilleure, il y a même de l'inédit, vous avez évoqué le trésor des chartes d'Artois, et vous avez découvert ici ou là des documents qui n'étaient pas connus. Et autrement dit, c'est le socle de l'armée qui va être battue lors de la guerre de Cent Ans que nous avons sous les yeux. Alors finalement, ce n'est pas un très grand succès. Hein. Il y a eu face à l'Angleterre, ce n'est pas extraordinaire. Il y a eu Courtrai, bon, c'est bien qu'il y a eu la bataille de Cassel en 1328. Mais au fond, les rois de France n'ont pas répondu à ces difficultés militaires, par des remèdes proprement militaires, trouver une infanterie valable, par exemple, mais par des remèdes financiers et politiques. Nous vous avons présenté l'armée du roi de France, de Xavier Larry, qui montre une évolution liée à l'État, liée à la monarchie, au tournant du XIIIe au XIVe siècle, un moment qui était resté plus ou moins dans l'ombre et qui, je crois, prendra maintenant toute son importance. Avant de terminer cette émission, nous écouterons le dernier texte. De quoi s'agit-il? Alors, c'est le mandement adressé par Philippe le Bel à tous les baillis et sénéchaux, notamment ici au bailli de Vermandois, juste après la bataille de Courtrai, et dans lequel apparaît pour la première fois la mention de la convocation par voie de banc et d'arrière-banc. Philippe, par la grâce de Dieu, roi de France, au bailli de Vermandois, salut. Comme nous avons fixé pour notre semonce le jour des octaves de la mi-août à Arras, et comme récemment nous avons entendu que nos ennemis, qui cherchent toujours à nous faire du mal de plus en plus, à nous et au royaume, sont venus assiéger notre ville de Lille et nos gens qui la gardent, Et comme, pour secourir nos dites gens qui courent de grands dangers et qui sont en grand péril de leur vie, nous nous préparons hâtivement à nous y rendre en personne, à grand effort, comme le besoin s'en fait sentir là-bas. C'est pourquoi nous vous ordonnons de convoquer, par banc ou par arrière-banc, le plus fortement que vous pourrez, tous ceux qui étaient convoqués autrefois, que tous ceux qui peuvent porter armes, nobles ou non nobles, qu'ils soient nos dépendants ou ceux d'autres seigneurs, ecclésiastiques ou laïcs, pour qu'ils se trouvent à la mi-août au plus tard, à Arras, sans nulle faute, où nous serons alors sûrement, et qu'ils s'y trouvent appareillés de chevaux et d'armes, chacun selon son état. Et ceux qui, nobles ou autres, ne pourront avoir de chevaux, qu'ils viennent à pied, avec les meilleures armes qu'ils pourront. Et ordonnez-leur étroitement, et priez-les, et requérez-les que, pour l'amour et la fidélité qu'ils ont envers nous et envers le royaume, de même qu'ils ont à cœur l'honneur et le bon état d'eux-mêmes et du royaume, ils le fassent si rapidement, si grandement et si fortement que nous leur en sachions gré. Et montrez-le leur et expliquez-le qu'ils ont été gênés et grevés. Et dites-nous que nous entendons leur procurer la paix et le repos, et les récompenser pour leur travail et leur bon comportement. Donnez à Saint-Germain-en-Laye, le dimanche, en va la fête de Saint-Laurent, l'an de grâce 1302. C'était les lundis de l'histoire par Jacques Le Goff avec Xavier Hilary, maître de conférence à l'Université de Paris 4, Paris-Sorbonne, avec Philippe Ronsamine, professeur émérite à cette même université, de Paris 4, Paris-Sorbonne, membre de l'Institut. On a parlé de l'ouvrage que Xavier Hilary vient de publier chez Perrin, « L'armée du roi de France, la guerre de Saint-Louis à Philippe le Bel ». Les textes ont été lus par Jean-Pierre Leroux. La prise de son est de Julien Bourdet, la réalisation de Ghislaine David. La semaine prochaine, les lundis de l'histoire seront présentés par Michel Perrault, et dans quelques instants, « C'est pas la peine de crier » par Marie Richaud.